Dans le cadre du nouveau répertoire dramatique de France Culture, choisi et coordonné par Lucien Atoun, « Oh les beaux jours », pièce en deux actes de Samuel Beckett, avec Madeleine Renaud dans le rôle de Winnie et Régis Soutin, Willy, avec la participation de Roger Blin. Réalisation Henri Soubéran. Étendue d'herbe brûlée s'enflant au centre en petits mamelons. Lumière aveuglante. Enterrée jusqu'au-dessus de la taille, dans le mamelon, au centre précis de celui-ci, Winnie. Elle dort, les bras sur le mamelon, la tête sur les bras. À sa gauche, un grand sac noir, et à sa droite, une ombrelle. À sa droite et derrière elle, allongée par terre, endormie, cachée par le mamelon, Willy. Winnie se réveille. Encore une journée divine. Mon Dieu, mon Père, Jésus-Christ, Amen. Siècle des siècles, Amen. Commence, Winnie. Commence ta journée, Winnie. Elle se tourne vers le sac, en sort une brosse à dents, un tube de dentifrice aplati. Examine le tube. Plus pour longtemps. Elle cherche le capuchon. Enfin. Elle ramasse le capuchon. Rien à faire. Elle revisse le capuchon. Petit malheur. Encore un. Sans remède. Elle farfouille dans le sac. Aucun remède. Elle sort une petite glace. Eh oui. Elle s'inspecte les dents. Pauvre cher Willy. Elle éprouve avec le pouce ses incisives supérieures. Bon sang. Elle soulève la lèvre supérieure. Bon Dieu. Elle tire sur un coin de la bouche. Enfin. L'autre coin. Chouachi. Pour mieux, pour pis, pas de changement. Pas de douleur. Presque pas. Elle ramasse la brosse. Ça qui est merveilleux. Elle examine le manche de la brosse. Rien de tel. Pur. Quoi? Quoi? Eh oui. Pauvre Willy. Elle farfouille dans le sac. Aucun goût pour rien. Elle sort un étui à lunettes. Aucun but dans la vie. Elle sort les lunettes de l'étui. Pauvre cher Willy. Bon qu'à dormir. Donc merveilleux. Elle chausse les lunettes. Rien de tel à mon avis. Je l'ai toujours dit. Elle ramasse la brosse. Que ne lui sais-je. Véritable. Bientôt aveugle. Elle enlève ses lunettes. Enfin. Assez vu, sans doute. Depuis le temps. Elle cherche son mouchoir dans son corsage et le déplie. Quels sont ces vers merveilleux? Elle s'essuie un œil. Malheur à moi. L'autre œil. Qui voit ce que je vois. Eh oui. Elle ramasse les lunettes. On passerait bien. Elle essuie les lunettes avec le mouchoir. Pas si sûr. Sainte lumière. Noir plongé. Fer surface. Fournaise d'infernale lumière. Wouhou ! Don merveilleux. Elle s'arrête d'essuyer, dépose les lunettes. Quelle lucèche ! Enfin. Elle rentre le mouchoir dans son corsage. Je peux pas me plaindre. Non, non. Elle ramasse les lunettes. Je dois pas me plaindre. Tant de motifs de reconnaissance. Pas de douleur. Elle chausse ses lunettes. Presque pas. Ça qui est merveilleux. Elle ramasse la brosse. Rien de tel. Elle examine le manche de la brosse. Léger mot de tête, parfois. Garantie véritable pure. Quoi? Véritable pure. Elle prend le mouchoir dans son corsage et le déplie. Eh oui. Vague migraine de temps en temps. Elle essuie le manche de la brosse. Ça vient, puis s'en va. Tant de bonté, de grande bonté. Prière peut-être pas vaine. Matin, soir. Elle s'essuie les yeux, replie le mouchoir, examine le manche de la brosse. Solennellement garanti, véritable pur. Elle enlève ses lunettes. Véritable pur. Ah, vieille chose. Vieux yeux. Continue, Winnie. Elle ramasse l'ombrelle et en dégage le manche d'une longueur inattendue. Wouhou ! Willy ! Donc merveilleux ! Elle lui assène un coup avec le bec de l'ombrelle. Que ne l'eussais-je ? Ah ! L'ombrelle lui échappe et tombe derrière le mamelon. Elle lui est aussitôt rendue par la main invisible de Willy. Ah, oh, merci, mon chéri. Elle examine sa paume droite. Mouette. Enfin. Sa paume gauche. Pas pire. Pas mieux, pas pire. Pas de changement. Pas de douleur. Je t'en prie, mon chéri, sois gentil, ne te rendors pas. Je pourrais avoir besoin de toi. Oh, mais ça ne presse pas, ça ne presse pas. Seulement ne te replotonne pas. Un peu patraque peut-être malgré tout. Elle se tourne vers le sac, farfouille dedans, en sort un revolver, le tient en l'air, lui donne un baiser rapide, le rentre dans le sac, farfouille, sort un flacon contenant un fond de liquide rouge. Diminution d'entrain, manque d'allant, perte d'appétit, bébé, enfant, adulte. Si cuillerée à bouche rase chaque jour. Un vieux style, chaque jour. Chaque jour, avant et après chaque repas, amélioration instantanée. Elle regarde le niveau du liquide, dévisse le capuchon, vide le flacon d'un trait. Jette flacon et capuchon du côté de Willy.